Donc, on va passer à l'intervention suivante. Donc, c'est Mathieu qui va venir nous parler de la transition en agriculture. Oui, il est en train de t'appeler. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Mathieu et on va parler. Enfin, je vais vous parler de transition en agriculture. Moi, ça fait une petite dizaine d'années que je travaille avec le monde agricole. Je fais des films, des documentaires. Je travaille beaucoup avec la Confédération Paysanne, pour vous dire un peu d'où je parle. Alors quand je dis que ça fait 10 ans que je travaille dans le monde agricole, c'est pas pour vous dire que je suis un expert des questions agricoles. Je pense qu'un des premiers trucs que j'ai compris, c'est qu'en fait il n'y a pas d'experts des questions agricoles. Je pense que même les paysans dans leur champ, ils ont un énorme savoir-faire. Mais je pense que une des caractéristiques principales, c'est l'humilité. Je pense qu'ils savent que même si ça fait 5 ans que ça marche très bien, peut-être que la 6e année, ça va bien moins marcher et qu'il va falloir réfléchir à pourquoi ça a moins marché la 6e année par rapport aux 5 d'avant. Donc il faut toujours avoir, je pense, cette idée d'humilité quand on parle de questions agricoles. J'espère que je l'aurai. Moi, je suis arrivé sur l'agriculture par des questions énergétiques au départ. Je travaillais sur la raréfaction du pétrole. Quand j'ai compris que l'agriculture industrielle, chimique, conventionnelle, quel que soit le nom qu'on lui donne, utilisait beaucoup de pétrole, ça m'a plutôt angoissé, quoi. C'est-à-dire que je me suis dit, si on a moins de pétrole, on va avoir moins de nourriture, et il y a peu de sociétés qui résistent à une absence de nourriture. Donc j'ai eu assez peur, et comme dans mes films, j'essaie toujours de présenter les solutions plutôt que les problèmes, je me suis dit, bah, allons voir qu'est-ce qui se passe du côté de l'agriculture. Est-ce que j'ai des systèmes alternatifs devant moi? Et contrairement aux autres alternatives sur les questions énergétiques, les alternatives, c'est assez compliqué, je trouve, d'imaginer un système énergétique alternatif. On est obligé de faire beaucoup de projections, de faire parfois beaucoup de technophilie. Enfin voilà, c'est très compliqué à imaginer. Et l'avantage, c'est sur l'agriculture, les choses, elles sont là depuis longtemps. C'est des systèmes qui marchent très bien, et qui marchent très bien depuis très longtemps. Donc ça m'a beaucoup rassuré. Et donc je me suis dit, cool, j'ai un système de remplacement. Et puis après, je me suis dit, ouais, mais en fait, est-ce que c'est adéquat de parler de système agricole? C'est-à-dire, est-ce que je peux remplacer un système par un autre système? Et là, je me suis dit, en fait, non, peut-être qu'un des problèmes qu'on avait aujourd'hui, c'est que justement, on avait voulu imposer un même système agricole, quelles que soient les conditions climatiques, quel que soit le sol, quelle que soit la pluie, enfin, voilà, quelle que soit la vie, quoi. Et donc, je me suis dit, on va pas pouvoir remplacer un système par un système. Donc ça, c'était une des premières découvertes, j'ai envie de dire, enfin, que je me suis dit. Et puis après, je me suis dit, surtout, on peut pas faire du on-off, quoi. Je peux pas. Ça fait 15 ans que je fais du maïs en monoculture sur mes terres. J'ai investi énormément d'argent pour acheter les machines spécialisées dans cette monoculture. Dans 2 mois, je veux faire du maraîchage en AMAP, non, ça n'est pas possible. Techniquement, ça n'est pas possible. J'ai pas forcément le savoir-faire. Les terres ne sont pas adaptées. Je ne connais pas les gens qui seraient intéressés. Donc, je vais pas pouvoir faire les choses comme ça, quoi. Et donc, c'est pour ça que je parle de transition. C'est parce que je pense que on pourra pas faire une révolution dans les champs, quoi. Et je pense même que ça n'est pas souhaitable si on veut continuer à avoir de la nourriture en quantité abondante. Et donc, comment on fait, quoi? Une fois qu'on s'est dit qu'on n'allait pas faire d'un changement de système en système et que ça allait pas arriver du jour au lendemain, ben, faut déjà apprendre la patience, c'est-à-dire qu'il va falloir que nous, citoyens, on se mette des échéances plutôt à long terme. C'est-à-dire, moi, j'ai rencontré une fois un agronome qui me disait « reconstruire un sol, ça prend 50 ans ». Donc là, bon, je me suis dit 50 ans, ça fait quand même long, donc peut-être on peut essayer de trouver des choses entre-temps. Donc heureusement, il y a des choses entre-temps qu'on peut faire. Mais voilà, il va falloir apprendre le temps long, mais qui est le temps de la nature, j'ai envie de dire. Il va falloir aussi réapprendre ce que c'est que des cycles. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, quand on dit agriculture industrielle, c'est caler des logiques industrielles sur de la production alimentaire. Et donc, on va réfléchir du début de la semence à la fin, parfois à la poubelle, et on réfléchit pas en cycle. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est arrivé au bout, on s'en fout, en fait. Alors que les cycles naturels, comme leur nom l'indique, ils sont naturels. C'est-à-dire qu'il y a forcément des jeux entre eux. Si je veux que mon sol soit un sol fertile, il faut qu'il y ait quelque chose dans mon sol pour que la plante puisse se nourrir. Et ce quelque chose, il va pas venir d'ailleurs. Il faut que ça soit quelque chose qui l'amène là. Alors ça peut être du fumier, ça peut être. Enfin, il y a plein de techniques. On pourra parler un peu de tout ça, bon, sans rentrer forcément trop dans les détails techniques, parce que l'agriculture, c'est assez, c'est même très très technique. Mais voilà, c'est cette idée que si demain je dois mes engrais chimiques, il va falloir que je nourrisse mes plantes autrement, quoi. Et là, c'est aussi une autre chose que j'ai découverte dans ces systèmes alternatifs. Donc, je vais parler de systèmes au pluriel alternatifs, hein, de modes de production alternatifs, parce qu'en fait, il y a mille chemins possibles, quoi. C'est cette question de qu'est-ce qui se passe dans un sol, nourrir une plante, qu'est-ce que c'est. En fait, on a une vision philosophique, presque, qui est que la nourriture d'une plante, on va dire que c'est une grosse patate de choses que la plante mange, ça, on l'a résumé à trois éléments aujourd'hui. C'est NKP, voilà, c'est trois éléments chimiques, et on a dit, ces trois éléments-là permettent de nourrir une plante, quoi. Alors, on a affiné les choses, hein, bien sûr, au fur et à mesure du temps. Maintenant, il y en a 12, 15, 20, enfin, on peut trouver d'autres éléments pour nourrir les plantes. Mais en fait, c'est pas la somme d'éléments qui va faire le tout, en fait. C'est pas parce qu'on va donner 15 éléments bien distincts ou 50 éléments bien connus qu'on va nourrir une plante correctement, en fait. Une plante, elle se nourrit avec des milliards de choses et peut-être même des choses qu'on comprendra jamais, mais c'est pas grave, en fait. Ce qui compte, c'est que ça marche. Et donc, on va aussi là refaire un peu d'humilité, c'est-à-dire, c'est pas grave si on sait pas ce qui se passe dans un sol, c'est pas la fin du monde. Par contre, on peut trouver des techniques qui fonctionnent mieux que d'autres, et donc on va apprendre sans forcément tout comprendre, et c'est pas forcément très très grave. Mais ça, c'est vrai que pour nous, nous on aime bien couper les choses en bloc, quoi. On aime bien séparer, essayer de comprendre par petits bouts. Il y a ce bout-là qui se passe là, il y a ce bout-là qui se passe là, et c'est des logiques qu'on va retrouver dans la médecine, c'est-à-dire la médecine spécialisée, c'est assez ça aussi, c'est-à-dire il y a le spécialiste du cœur, le spécialiste du machin. Et on oublie qu'il y a quand même un médecin généraliste qui, lui, s'occupe plutôt de l'ensemble, en fait, et du tout, en fait, et sans forcément savoir tout exactement comme un spécialiste, mais peut-être que lui a une vision plus globale des choses et peut-être plus intéressante, en tout cas. Je ne sais plus où j'en étais, je me perds. Les chemins qu'on utilise dans la transition, donc ça va être des chemins, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais... Enfin, il peut y avoir des agriculteurs qui font la même chose, hein, mais... chacun va faire les choses à sa manière, c'est-à-dire comme il va pas faire une révolution dans son champ, il va essayer de déterminer les choses sur lesquelles il va commencer à travailler. Donc souvent c'est quand même le sol qui est la base des choses, hein. C'est con à dire, mais c'est vrai. Les sols sont assez épuisés, c'est-à-dire que quand on fait 20 ans de maïs, le maïs il chope que les mêmes éléments dans le sol. On a nourri les sols de l'extérieur, on a mis beaucoup de chimie dans les sols, donc on a quand même beaucoup tué toute la vie qu'il y avait dans les sols et qui était source de fertilité. Et donc les sols sont très épuisés. Et donc c'est vrai que le premier truc, c'est ramener de la vie, de la matière organique, c'est-à-dire des choses à manger pour les plantes d'après. Donc c'est souvent la première démarche, c'est voilà, réfléchir à comment j'arrête d'épuiser mon sol, mais surtout comment je le nourris, quoi. Donc ça va être soit avec en ramenant des animaux, mais ça c'est compliqué, c'est-à-dire que quand on a des énormes fermes, je vais pas remettre des vaches. Donc, par contre, je vais peut-être essayer de trouver un éleveur qui, lui, a trop de matière organique. Et moi, ça tombe bien parce que j'ai plein de paille. Donc, on va faire des échanges de paille contre des bouses. Et là, on va trouver des choses. Mais le problème, c'est qu'on est allé tellement loin dans la spécialisation que des fois, c'est des régions où il n'y a plus d'éleveurs du tout. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de l'Île-de-France, il n'y a pas d'éleveurs en Île-de-France. Enfin, vraiment très, très peu, quoi. Et donc, tous les gens qui font des céréales sont bien embêtés parce qu'ils ont du mal à trouver de la matière organique, quoi. Voilà. Alors, heureusement, ça n'est pas la seule possibilité, quoi. Enfin, ou alors, on peut trouver des gens qui font des poules, comme ça, on a de la fiente, et enfin, voilà, il y a des choses à faire. On pourrait peut-être même réfléchir à qu'est-ce qu'on fait de la quantité de merde qu'il y a dans les villes, et que ça, peut-être, ça pourrait être de l'engrais. Et d'ailleurs, avant, c'était des systèmes qui existaient, c'est-à-dire avant le tout à l'égout, il y a des sociétés qui s'occupaient de récupérer l'urine et la merde pour, justement, s'occuper que ça soit de la matière fertile pour les champs d'Île-de-France, quoi. Donc, je ne sais pas si on va faire ça, mais why not ? Il faut être ouvert à tout. Et donc voilà, donc cette première base, c'est le sol, c'est réfléchir au sol. Ça peut être de la matière organique animale, mais ça peut être aussi végétal, c'est-à-dire qu'il y a des plantes qui fonctionnent comme des engrais verts. C'est une classe de plantes qui s'appelle les légumineuses et qui ont une capacité assez géniale. C'est que les plantes, pour pousser, elles ont besoin d'azote. J'espère que je suis pas trop technique, mais l'azote, il y en a plein dans l'air, et l'avantage de ces légumineuses, c'est qu'elles vont le capter, cet azote, et le rendre à la terre par leurs racines. Et donc en fait, si qu'on peut manger, hein, les pois, c'est des légumineuses, donc c'est aussi des cultures qu'on peut vendre. Donc c'est dans une ferme, c'est une culture intéressante, et c'est une culture qui va préparer le sol pour la culture d'après. Donc voilà, ça c'est des choses que les gens mettent en place à leur rythme, en fonction de justement qu'est-ce qui correspond le mieux à ce qu'ils ont sur place, à leur sol. Enfin voilà, il y a des arbres aussi, des arbres légumineuses. Donc voilà, l'arbre c'est aussi intéressant dans les cycles agricoles, ça ramène de l'ombre. Ça a des très grosses racines, donc ça va chercher des éléments très profondément dans le sol, ce que font pas d'autres plantes. Et ces éléments-là, on va les retrouver dans les feuilles, et quand les feuilles vont tomber et se décomposer, ça va nourrir le sol. Ce qui est quelque chose qu'on connaît très bien tous, puisque la forêt n'a jamais eu besoin d'engrais pour vivre des millénaires, donc c'est un système qui marche très très bien tout seul, quoi. Donc voilà, c'est des choses où on va essayer de copier ce qui marche, où on sait que à tel endroit il y a ça. Et c'est vrai que des fois on est confronté à une perte de savoir-faire, c'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on est dans un système chimique et industriel, et donc on a quand même énormément perdu de savoir-faire, vraiment de quelles techniques j'utilise, quelles associations de plantes je vais faire. Enfin voilà, c'est vrai que maintenant on est un peu démuni. Alors c'est l'avantage de la modernité d'aujourd'hui. C'est que l'échange de pratiques et l'intelligence collective peut marcher très très bien à des échelles territoriales beaucoup plus grandes que juste est-ce que je vais trouver un ancien dans mon village qui se souvient de comment il fallait faire pour faire pousser telle variété de blé que j'ai retrouvé chez quelqu'un d'à côté. Enfin voilà quoi. Heureusement, il y a des énormes forums de discussion entre agriculteurs et donc on peut trouver des solutions, on peut partager des expériences là-dessus. Donc ça marche très bien. L'autre chose dont je voulais parler sur le... Faut que je regarde l'heure. Non ? Ça va ? Ok. C'est en fait, qu'est-ce que... la transition, c'est aussi une transition individuelle. C'est-à-dire que les agriculteurs qui font le constat que le système industriel est dans une impasse, c'est pas un constat qu'on fait facilement. D'abord parce que potentiellement son père a fait ça ou sa mère a fait ça pendant 30 ans. Donc qui je suis moi aujourd'hui pour venir expliquer à mon père qu'en fait il a fait de la merde pendant 30 ans, c'est pas une position facile. Mon éducation scolaire, les lycées agricoles dépendent du ministre de l'Agriculture et pas du ministre de l'Éducation. Donc l'enseignement aujourd'hui est encore assez conventionnel dans les lycées, même si ça change. Donc c'est ce qu'on m'a appris à faire. Mes voisins continuent à faire la même chose. Donc si moi je décide de faire autrement... je viens un peu dire à mes voisins qui font de la merde. Enfin voilà, donc c'est compliqué de changer en fait dans le monde agricole, mais j'ai envie de dire comme dans le monde en général, ça n'est pas simple de changer. À chaque fois que chacun on veut avoir des pratiques alternatives, souvent notre entourage peut nous renvoyer des signaux comme quoi on fait n'importe quoi, on est le seul à le faire, mais ça sert à rien, c'est pas comme ça que tu vas changer les choses. Enfin voilà, donc ces messages-là, on les entend, vous imaginez bien qu'en agriculture, ils les entendent aussi, quoi. Et puis après, il y a d'énormes freins psychologiques sur qui sont plus proches de la croyance. C'est-à-dire, les gens ne croient pas qu'il y a un autre système possible. Ça, c'est vrai ici, enfin pas ici, mais autour. Mais c'est vrai dans le monde agricole aussi, c'est-à-dire ah oui, mais je vais pas avoir des rendements machin, ça va pas marcher, je vais pas gagner d'argent, et puis je sais pas. Enfin voilà, il y a des vraies barrières de croyance. Ce qui est rigolo, c'est qu'on a répondu à cette barrière de croyance par j'ai l'impression des fois une autre croyance, qui est la croyance dans le bio, parce qu'on va parler de conversion au bio, qui est pour moi un terme plutôt religieux. Alors je suis pas allé chercher dans le dico pour voir quel était le premier sens de conversion et l'usage d'aujourd'hui qui fait qu'on l'associe à une conversion religieuse, mais voilà, se convertir au bio, je trouve que c'est intéressant comme expression. Donc voilà, la croyance, elle est forte, et donc c'est un frein au changement. Et en même temps, l'avantage, c'est que les agriculteurs sont souvent quand même assez pragmatiques, et que donc la visite de ferme marche très bien. C'est-à-dire, vous amenez un conventionnel dans une ferme bio qui fait des maïs très variés, avec des tailles différentes, des couleurs différentes et tout, et il voit que ça marche, et il voit que le mec gagne sa vie, et il voit qu'il est content parce qu'il a repris en main son destin, et qu'il fait des choix techniques sur sa ferme, qu'il choisit les choses, qu'il discute, qu'il a des potes et tout, oui, ça travaille, quoi. Voilà. Bon, après, on en revient à... Qu'est-ce que mon père va dire? Qu'est-ce que mon voisin va dire? Qu'est-ce que la chambre d'agriculture va dire? Voilà, donc c'est des choses complexes. Et c'est pour ça qu'il y a une troisième partie dans le qui est le changement collectif, en fait. C'est-à-dire que, ce qui est vrai pour tout aussi, hein, c'est très difficile de changer tout seul. c'est difficile de changer tout seul, parce que par exemple, s'il faut changer de machines agricoles, eh ben, je vais pas l'acheter tout seul, cette machine agricole. Alors heureusement, dans le monde agricole, depuis très longtemps, il y a des structures collectives de matériel agricole. Donc c'est des choses qui existent vraiment depuis très très longtemps, c'est-à-dire que même, je pense, bon, je suis assez mauvais sur les dates, mais les premières moissonneuses à vapeur, donc ça date, c'était des machines énormes et c'était des fêtes villageoises, c'est-à-dire qu'en fait la machine était tellement énorme qu'elle passait de ferme en ferme et que tout le monde faisait la moisson chez machin pour après tout le monde aller faire la moisson chez bidule et ainsi de suite. Donc c'était des grands moments de fêtes paysannes. Alors je dis pas qu'on retrouve ça, hein, mais en tout cas, voilà, cette... la solidarité dans le monde paysan, c'est quelque chose qui existait, qui existe encore, qui a effectivement été très très amoindri par l'industrialisation, parce que pendant, enfin là maintenant ça fait longtemps que le ressort d'évolution de l'industrialisation, c'est grossir ou mourir, quoi. Et donc c'est vrai que grossir, ben, c'est être aux aguets du mec qui va être malade et peut-être qui va mettre ses terres en vente, et donc faut être le premier à les récupérer, parce qu'autrement c'est le mec là-bas qui va les récupérer, et moi j'en ai besoin pour amortir les coûts de ma nouvelle moissonneuse batteuse et ainsi de suite. Enfin, vous imaginez bien les cercles vicieux dans lesquels on est dans ces systèmes-là. Donc voilà, il y a ce changement qui part du sol, il y a le changement individuel qui est long, qui est parfois même à rebond, c'est-à-dire que on va mettre en place des nouvelles pratiques, ça va marcher, alors qu'on croyait que ça marchait pas. Donc là, on est dans une euphorie, et puis d'un coup, on a un coup dur, et on se dit ah merde, j'ai fait tout ça pour rien, et on est un peu perdu parce qu'on avance en apprenant, quoi. Et puis ça va repartir parce qu'on va refaire autre chose, et puis une fois qu'on aura changé sa pratique, on va réfléchir à sa commercialisation. Alors tout le monde ne le fait pas, et c'est normal, parce que c'est quand même un autre métier, hein, donc il y a des gens qui se concentrent sur la production agricole et c'est normal. Et il y a des gens qui vont jusqu'à la transformation et la vente pour essayer de gagner un peu en autonomie et gagner des sous sur, je dirais, sur toute la chaîne, quoi, même si je reprends une idée de chaîne, quoi. Donc voilà, donc ça c'est les choses qui se passent. Et puis dans l'autre truc collectif qui est important, c'est souvent on oublie que par habitude, je dirais, d'une production industrielle, on réfléchit juste à produire. Et ça fait très longtemps qu'on ne réfléchit que à produire. Au point qu'on produit pour jeter, et c'est vrai que l'avantage de l'agriculture, c'est que là pour le coup ça nous choque, c'est-à-dire que le gaspillage énergétique oui, peut nous choquer, mais ça nous fait pas mal au ventre, quoi. Des bennes remplies de nourriture, ouais, ça fait mal au ventre à tout le monde. Donc voilà, je dirais que l'agriculture nous fait voir des choses que parfois on ne voit pas ailleurs. Il y a des choses qui nous choquent pas ailleurs et qui nous choquent sur l'agriculture. La privatisation du vivant, le fait que des monopoles mettent la main sur des semences qui sont la base de l'humanité depuis la nuit des temps, là ça nous choque. Alors que des fois, la marchandisation nous choque moins à d'autres endroits. Bon, là c'est vrai que... Ici, je suis dans un public où je pense que la marchandisation nous choque tous, mais ou pas d'ailleurs, puisqu'il y a des gens qui passent au hasard. Mais voilà, dans l'agriculture, c'est vrai que ça permet des fois de pas de réveiller les gens, mais en tout cas de leur montrer des choses qui commencent à les faire réfléchir. Le gaspillage alimentaire, c'est vraiment quelque chose qui est une graine qu'on peut mettre dans la tête des gens et qui commence à les faire réfléchir sur comment un système alimentaire peut ne pas avoir comme objectif de pas gâcher de la nourriture. Comment c'est possible que le seul objectif qu'on ait, c'est une nourriture pas chère. Et encore pas chère, on pourrait réfléchir à pas chère pour qui. Mais voilà, en tout cas, voilà, aujourd'hui, l'objectif principal, c'est de sortir des choses pas chères au supermarché, quoi. Bon. Y a autre chose, je crois, que je voulais dire. Je regarde juste mes petits trucs, là. Oui, toujours dans le truc collectif, il y a cette idée que oui, on peut, comme c'est pas une production industrielle, je dirais comme toutes les autres, que c'est de la nourriture, que c'est de l'alimentation, forcément ça nous renvoie à nous notre qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire, et voilà. Et aussi au pouvoir public, bien sûr, parce que la transition agricole, elle peut pas se faire sans un volet politique public. Moi, j'ai toujours tendance à voir les choses en râteau, c'est-à-dire qu'il y a l'action individuelle, il y a l'action collective d'individus, et puis il y a l'action politique. Et puis c'est sur trois griffes qu'il faut utiliser le râteau, parce que si on n'en a qu'un seul, c'est moins efficace, je pense. Et donc individuellement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur qu'est-ce que vous décidez d'acheter, ce qui renvoie toujours à quel est le prix qu'ont ces produits-là, qui renvoie aussi à la question de quels sont les choix que font les consommateurs. C'est-à-dire, j'entends beaucoup les gens discuter du prix de l'alimentation et pas forcément du prix des technologies. Alors que bah, peut-être ne pas changer de téléphone tous les ans, bah, si ça permet de mieux bouffer, bah, peut-être que c'est un choix que je peux faire individuellement. Et après, il y a les volets collectifs qui sont plus importants parce que ça a des effets de masse. Et donc ça, c'est tout ce qui est restauration collective. Et c'est sûr que la restauration collective, quand elle réfléchit à acheter en local, bah, ça a un effet de levier très fort. Parce que c'est une commande régulière en quantité importante et que ça va avoir un gros effet de domino parce qu'en fait ça va ce qu'on appelle structurer les choses, c'est-à-dire que si on se place comme un agriculteur qui veut changer, donc il y a ce frein psychologique du regard des autres, du regard de sa famille et puis de son regard à lui aussi sur lui-même, de prendre des risques, d'avoir peur, de se jeter à l'eau, de tout ça quoi. Il va y avoir le frein technique, c'est-à-dire que changer de pratique, ça veut dire potentiellement réapprendre des choses, c'est-à-dire se reposer la question de comment je fais une rotation. Moi, je faisais que du maïs, le maïs, je le connais bien. J'ai des itinéraires techniques, c'est-à-dire les itinéraires techniques, c'est le 12, je mettais le produit, le 14, je mettrais le produit, le 15, je mettrais le produit. C'est ça l'itinéraire technique. Là, il faut que... Ben, il faut que je sois dans mon champ à regarder ce qui se passe, à m'adapter à l'appui, à réfléchir à mon sol. Enfin voilà, donc c'est un frein technique. Il faut réapprendre tout ça, quoi. Et puis il y a un frein structurel, c'est-à-dire c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si moi demain j'ai envie de devenir éleveur en Île-de-France, ben je n'ai plus, il y a plus d'abattoir en Île-de-France. Donc ça c'est une vraie contrainte sur mon métier. Mais si je veux de la même manière faire de la resto collective. Moi, je fais du légume en champ, j'ai des patates, des carottes, et que la resto collective, ça l'intéresse, mais qu'entre nous deux, j'ai pas une légumerie, c'est-à-dire que j'ai pas une structure qui vient récupérer mes légumes, les épluches, ou même ne serait-ce que les stocks. Il y a des questions de hangar aussi. Des fois, c'est bêtement un hangar hein, qui manque. Eh ben, je vais pas pouvoir me lancer dans cette production-là. Je pense qu'on va se faire saucer. Bon voilà, ça c'est des, enfin voilà, c'est plein de leviers qui peuvent changer. Donc ça c'est des choses, mettre la pression sur les élus locaux pour que la resto collective change d'approvisionnement. Bah ouais, ça c'est clairement des trucs ultra intéressants. Bah voilà, je crois qu'on va discuter maintenant. Alors justement, moi, je voulais réagir sur les collectivités, sur l'alimentation des collectivités, parce que moi, ce que j'ai l'impression de voir, c'est que je vois effectivement des agriculteurs qui ont du mal à faire la transition parce qu'ils travaillent depuis longtemps, ils ont les habitudes et voilà, il y a tous les freins psychologiques et tout ça. Et il y a par ailleurs moi, enfin, beaucoup de personnes qui se mettent à l'agriculture, à la permaculture ou à l'agriculture biologique, mais qui commencent par ça, quoi. C'est parce qu'ils voient quelque chose à y faire. Et ce que j'ai l'impression de voir, c'est que ben, les personnes qui commencent ont cherchent en fait des petites quantités parce que c'est intéressant aussi ben, dans un rapport au vivant, à la terre, à l'espace, à la production, de faire des petites quantités, quoi. Et ça m'a l'air de rentrer un peu en contradiction avec les collectivités qui cherchent des grosses quantités de nourriture régulière. Moi, c'est très concrètement un centre de loisirs en Touraine où, il se trouve qu'il appartient à la ville de Saint-Denis, donc c'était la mairie de Saint-Denis n'était pas forcément motivée par la recherche de producteurs locaux, tout ça. Il y avait cette complication là aussi, mais tout simplement techniquement, il connaissait dans l'entourage des producteurs en petite quantité, mais voilà, des producteurs qui ont fait une transition et qui sont capables de fournir à tous les midis des grosses quantités régulières, stables. Voilà, ça c'est compliqué, quoi. Et puis j'avais une autre question par rapport à ça, c'est la question des labels aussi, parce que il me semble que, enfin, les personnes qui se lancent vont peut-être pas forcément aller à la recherche de labels, alors que C'est peut-être intéressant pour les grosses structures, les gros exploitants, de demander ce label-là, mais du coup, c'est ce qui fait, merci, c'est ce qui fait que comme ils le demandent, ils le payent, donc ils vendent plus cher, quoi. Les gros producteurs en bio, enfin, sont plus chers que les petits producteurs raisonnés, quoi. C'est-à-dire qu'ils font attention, mais qui n'ont pas le label. Et en même temps, ça fait que, comme ils n'ont pas le label, bah, ils sont, c'est plus dur pour eux de démarrer ou de vendre leurs produits. J'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est ce truc-là. D'autres questions? Tu veux répondre? Bah, c'est vrai que cette question de quantité, là, oui, j'imagine que c'est un vrai souci. Après, il y a de plus en plus de structures collectives de production où ils vont se mettre à 3 ou 4 pour bosser ensemble et donc atteindre justement des volumes conséquents et une régularité parce que s'il y en a un qui fait défaut, l'autre compense et ainsi de suite. L'avantage aussi quand tu es quand même en circuit direct comme ça entre un producteur et une restoco, c'est que tu... Il n'y a plus toute cette perte en ligne du calibrage, du truc biscornu que le supermarché veut pas prendre. Et donc, si tout est cuisiné, tu récupères énormément en quantité quand même par rapport à ce que ferait un chimique, quoi. Sur les labels, ouais, la question des labels, elle est compliquée parce que les labels, ils sont quand même toujours faits pour rétablir une confiance quelque part. C'est un gage de confiance. Qui est lié au circuit long quand même, c'est-à-dire que la confiance, on en a besoin quand je sais pas qui c'est qui produit. C'est-à-dire que j'ai besoin que quelqu'un vienne me dire la personne que tu ne verras jamais et qui a produit cette carotte-là, tu peux lui faire confiance. C'est vrai qu'il y a plein de gens, par exemple, moi je rencontre plein de gens qui pourraient être en bio, mais qui le font pas parce que ça coûte de l'argent et parce que surtout ils connaissent tous leurs consommateurs. Et donc ils ont pas besoin d'avoir cette certification-là. La question du prix, ouais, elle revient sans cesse et c'est normal, enfin, puisque c'est ce qu'on paye à la caisse. Et on a beau expliquer que tous les coûts qu'on appelle les coûts indirects, si on doit traiter l'eau pour la rendre potable, parce que dedans il y a des produits chimiques de l'agriculteur qui est au-dessus de la zone de captation d'eau, bah ça c'est un coût que nous assumons collectivement. Qui n'est pas dans le prix de la pomme de terre que je mange. Donc j'ai beau dire aux gens, cette pomme de terre, tu la payes plus cher que tu le crois, ils s'en foutent parce que eux, ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils payent. Si je leur dis, dans ton budget, tous les ans, tu as l'argent qui sert à financer la PAC, qui va surtout aux producteurs de patates en grosse quantité, pareil, c'est de l'argent qu'ils ne voient pas qui est dans le prix de la patate. Et pour autant, c'est vraiment un argent qu'on paye, quoi. Donc ça, c'est compliqué, toujours, cette question du prix. En plus, là, maintenant, moi, je trouve qu'il y a un effet pervers qui est... Les vendeurs savent que les consommateurs sont prêts à payer plus cher le bio et donc ils vont marger plus sur le bio, c'est-à-dire qu'ils vont faire plus de fric. Voilà, donc là on devient vraiment pervers. Et un dernier truc qui est complètement dingue, ça j'ai discuté avec ça avec un producteur de vin la semaine dernière. Lui, il a enlevé l'étiquette bio de ses vins parce qu'en fait, il se rendait compte qu'il en vendait moins. Parce qu'il y a plein de gens maintenant qui se disent « le bio, c'est pas pour moi ». C'est-à-dire que le bio est un produit de luxe, c'est ce qu'on n'arrête pas d'expliquer aux gens. Et donc si c'est bio, c'est que c'est trop cher. Il enlève l'étiquette bio, il met le même prix, il en vend plus. Donc après, tu vois, il y a vraiment un truc, il y a un effet psychologique maintenant ultra pervers là-dessus, quoi. Bon, ça n'empêche pas que les pommes de terre de grande surface sont quand même les moins chères. Enfin, tu vois, il ne faut pas oublier cette question-là, quoi. Voilà. Mais... est-ce que c'est une réponse collective qu'il faut avoir? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut que... je sais pas, c'est-à-dire, il y a les réponses politiques de réorienter le fric de la PAC pour qu'en fait, le bio soit plus soutenu, donc moins cher, ou l'industriel moins soutenu, donc plus cher. Est-ce que... Enfin, voilà, comment on s'assure que tout le monde a accès à une alimentation de qualité et pas chère? Mais je pense que ça... moi, disons, ce qui me désole le plus, c'est que ça soit pas une question politique. C'est-à-dire... je ne vois pas, dans les grandes échéances politiques, je ne vois pas de combat politique enflammé sur les questions de l'alimentation, quoi. C'est-à-dire, quand je regarde les candidats du deuxième tour des présidentielles, ils sont jamais à couteau tiré sur les questions d'alimentation. Ça n'est pas une question politique, quoi. Voilà. Donc moi, j'aimerais bien que ça le redevienne. Je pense que c'est essentiel. Enfin, c'est un des trucs de base d'une société, c'est quand même comment on se nourrit, quoi. Mais c'est vrai que ça, c'est malheureusement assez invisible dans le débat politique, quoi. Voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions ? Ouais. En fait, moi, j'aimerais savoir, est-ce que la solution de la MAP, est-ce que ça pourrait être une solution qui s'envisage globalement au niveau national ? Est-ce que c'est envisageable ? Je pense pas que ce sera envisageable à 100%, parce que bon, tout le monde a envie d'ananas de temps en temps ou des choses comme ça, peut-être. Mais est-ce que techniquement il y a des gens qui réfléchissent et est-ce qu'il y a des gens qui réfléchissent au fait que ça pourrait être une solution envisageable, parce que au niveau perte on est quand même bien plus intéressant, on connaît son producteur, on connaît, voilà, hein, il vient pas de l'autre bout du monde, quoi. Non, et au prix aussi, hein. Moi franchement, enfin voilà, mon panier d'AMAP, je pense même par rapport au supermarché c'est moins cher, hein, ce que j'ai, hein. Et puis on parle même pas de la qualité des produits, hein, mais on parle juste vraiment du coût du panier au final chez moi, quoi. En plus, c'est vrai. Non, ben la généralisation des AMAP, je sais pas en fait. Moi c'est toujours pareil, je pense qu'il faut qu'il y ait de tout en fait. C'est-à-dire il faut qu'il y ait des AMAP, il faut qu'il y ait des magasins de producteurs, il faut enfin toutes les solutions sont bonnes tant qu'on sort de l'uniforme du qui vient de très loin, du qui est produit dans des conditions stiques. Enfin voilà, je pense que c'est tous ces volets-là, quoi. L'avantage de l'AMAP effectivement, c'est qu'on sait qui produit après en quantité, je sais pas. Enfin, tu vois, je sais pas. C'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il faut. Enfin, toutes les transformations du monde agricole, elles se sont faites parce qu'il y avait des orientations politiques très très fortes, quoi. Avec souvent de l'argent à la clé, mais des contraintes aussi réglementaires. Enfin, c'est sûr que. Enfin, moi, je pense que c'est un mouvement qui fonctionne dans le sens où, enfin, c'est assez récent. Je connais pas la date des premières AMAP, mais je pense que c'est assez récent. Et aujourd'hui, je sais pas le nombre d'AMAP qu'il y a en France, mais ouais, c'est assez colossal. Après, quand tu te poses la question de des grandes villes, c'est vrai que d'un coup, tu te dis c'est compliqué. C'est-à-dire nourrir presque 20% de la population parisienne à partir d'AMAP, bah va falloir choper de la terre. Mais bon, de la terre, il y en a plein. Hein, c'est-à-dire, moi j'ai un pote urbaniste qui répond maintenant à des appels à projets de schémas agricoles qui sont généralement répondus par les gens du monde agricole, quoi. Et lui, il pense que les schémas agricoles, c'est aussi de l'alimentation, donc ça concerne les urbanistes, quoi, tout simplement. Donc on s'est fait bouler à chaque fois parce qu'on lui disait, mais qu'est-ce qu'un urbaniste vient faire là, quoi. Donc lui, il expliquait, justement, moi je pense que voilà. Enfin, bon. Et le monde agricole traditionnel, il est mal adapté à l'urbanisme actuel de l'Île-de-France, par exemple. Tu vois, c'est-à-dire que les réponses qu'ils vont faire, c'est on a des terres très morcelées parce qu'il y a eu de l'urbanisation faite un peu de manière aléatoire, et donc on a plein de petits champs partout. Ça veut dire que c'est des terres qui sont pas exploitables. Et nous, on répond non, pas du tout, c'est très bien. Plein de petites terres partout, c'est très bien. Installons des gens. Qui vont faire du maraîchage en local, et c'est parfait, les gens ils vont connaître les gens qui cultivent. T'as des stations de RER, tu peux faire de la distribution de paniers tous les jeudis à la station de RER, tu descends de ton RER, t'as ton panier, tu rentres chez toi. Enfin, il y a des choses à mettre en place. Mais là c'est pareil, on va buter sur maraîcher, en fait. Tu vas pas t'improviser maraîcher, quoi. Donc il faut former les gens, quoi. Donc il faut qu'il y ait des structures de formation d'une quantité importante de maraîchers, et ça prend du temps. Parce que c'est un métier, t'apprends, mais voilà, c'est pas parce que tu vas passer une saison à faire du maraîchage que t'as compris le métier. Donc voilà, enfin, tu vois, il y a aussi ce truc, c'est pour ça qu'il faut du temps, il va falloir du temps. Mais c'est sûr que moi, je pense que la MAP a cette vertu de montrer qu'il y a des systèmes alternatifs qui marchent, que les gens, quand ils sont en AMAP, enfin, moi, je ne fais plus jamais de cours chez le primeur, enfin, vraiment, c'est très rare, que je suis content d'avoir retrouvé la contrainte. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui disent, les AMAP, ça fait chier, attends, j'ai que des poireaux tout l'hiver et tout. Bon. Alors moi, j'ai de la chance, j'ai toujours au moins 8 à 10 produits par livraison. Moi, je prends un panier toutes les deux semaines parce qu'un panier par semaine, c'est trop. On s'en fout. Mais, je suis obligé de réfléchir énormément à cuisiner. Puis on rediscute beaucoup. ça recrée énormément de discussions autour de la bouffe avec les gens. Et donc le lieu de distribution, bah, c'est une heure tous les samedis, on va parler bouffe. Et toi, comment tu fais avec tes blettes? Ah, moi, je fais ça, je fais tel machin, puis on va parler de l'histoire des gens. Ah, mais cette recette-là, c'est ma grand-mère qui venait... tu vois, voilà quoi. Donc c'est, tout ça est très très riche. Mais c'est vrai que la question, c'est la quantité toujours, enfin, en tout cas l'effet d'échelle, quoi. C'est-à-dire, voilà, si on veut que 20% de la population à Paris bouffe en AMAP, il va falloir installer des gens et ça va pas se faire pour le lendemain, quoi. Donc c'est l'association pour le maintien d'agriculture paysanne. C'est donc un contrat qu'on signe à l'année avec un paysan et où on s'engage régulièrement, donc toutes les semaines, à prendre un panier. On se met d'accord sur le prix de départ. Moi, mon panier, c'est 19 euros. Et je m'engage à prendre toute l'année, à part deux semaines, le panier qu'il va me fournir. Et lui, il s'engage à me fournir toutes les semaines. Voilà. Et donc, c'est un contrat. Lui, il a de l'argent en avance. Donc, s'il doit faire, s'il doit construire une nouvelle serre, s'il doit construire une nouvelle chambre froide, bah, il va avoir de l'argent en avance. Et il va savoir surtout que bah, ses revenus sont prévus. Quoi. Enfin, voilà, il sait combien d'argent il va gagner cette année-là. Quoi. Voilà. Non mais voilà, à Paris, et est-ce que c'est faire des AMAP à Paris? Moi j'avais vu 3... Ouais, voilà. J'avais vu dans le film Demain, en fait, il y avait Détroit qui a été une ville en fait où il y avait énormément de monde et d'un coup, il y a eu le problème économique et tout le monde s'est barré. Et les gens, en fait, ils se sont retrouvés en galère pour manger. Mais vraiment, hein, c'est impressionnant quand même. Voilà. Et bah, du coup, ils se sont appropriés la ville et ils ont fait ça, ils ont réussi à trouver des solutions alors que, voilà, c'était pas forcément prévu pour ça à la base. Donc c'est sûr que voilà, la MAP ça se fera pas demain, mais je pense que voilà, le truc de Nuit Debout, c'est aussi réinstaurer le temps long comme vous avez dit au début. C'est que l'effet d'annonce « Ah moi je vais changer le monde demain », bah écoute, si tu veux, hein, mais, mais voilà, ouais, j'y crois pas. Je voulais bien répondre un peu sur cette question de la généralisation de la MAP, parce qu'effectivement c'est quelque chose qui est né il n'y a pas très longtemps et qui prend une ampleur assez importante, qui fonctionne bien, et je trouve ça super que ça se développe de cette manière-là, parce que ça se développe grâce aux producteurs et productrices, grâce aux bénévoles qui s'impliquent pour faire en sorte que ça marche, grâce aux associations. Et c'est intéressant aussi que ça soit pas que ça soit des solutions locales, quoi. Voilà, socialement, ça s'organise en fonction des gens, que ce soit les producteurs, les gens qui en ont besoin, les consommateurs qui font eux-mêmes leur réseau, qui trouvent leurs solutions, leur mode d'information, de communication, tout ça. Et ce qui pourrait être fait effectivement au niveau national, c'est des subventions pour ça, c'est soutenir, quoi. Mais monétairement parlant, mais en termes, enfin, moi je trouve que ça serait dommage qu'il y ait une organisation nationale qui prenne ça en charge, en fait, qui s'en occupe, parce que ça serait perdre en fait le tissu local que ça a créé, quoi. Ça serait intéressant, enfin ça serait plus facile, parce que là effectivement c'est beaucoup d'énergie qui est dépensée par des bénévoles et c'est difficile de faire tenir les AMAP et c'est un métier, quoi, quasiment. Mais je pense que ouais, là où on pourrait pousser, c'est faire des subventions. Puis bon, bah, c'est des choses que le salaire à vie pourrait permettre, quoi. Qu'on s'implique sur ce genre de choses. C'est vrai, si on avait de l'argent. J'avais une autre question après, mais je sais pas si quelqu'un voulait réagir par rapport à ça ou si je peux poser une autre question. C'est par rapport à ça, le financement des AMAP. En fait, moi, j'ai un beau-père qui est anciennement agriculteur parce qu'il est à la retraite. Et il dit, les vergers, c'est très simple. Au niveau subvention de l'État, t'oublies. Donc, voilà, après, voilà. Donc, parce que j'en sais rien, parce que c'est pas rentable, parce que ça intéresse pas, parce que, voilà. Donc bon, ça viendra, hein, mais pas demain, quoi. Voilà. Ouais, moi j'avais une autre question par rapport comment dire, un peu l'insurrection des agriculteurs, enfin les manifs qu'ils ont faites et les voilà leur colère récente, quoi. Est-ce que du coup il y a un lien qui a pu être fait avec par exemple la Confédération paysanne ou des personnes qui ont des solutions pour le domaine de l'agriculture et des personnes qui crient une colère parce que ça fonctionne pas? Est-ce qu'il y a un lien qui a été fait, une communication ou au niveau associatif? C'est sûr que la colère des gars de la FNSEA dans le localement, peut-être que ça va déboucher sur dans le monde syndical, tu vois, c'est-à-dire peut-être les mecs qui vont aller voir la conf, mais le monde syndical, enfin le monde agricole, il est très comment dire, c'est la FNSEA, c'est une vraie pieuvre, c'est-à-dire qu'ils tiennent la chambre, ils tiennent les coopératives, ils tiennent les conseils techniques, enfin c'est vraiment très très compliqué, c'est-à-dire que des fois si tu veux des conseils techniques selon les régions, il faut que tu aies ta carte à la FNSEA pour avoir accès aux conseils techniques. Donc c'est vraiment ça va être compliqué à changer, quoi, le monde agricole politiquement, j'ai envie de dire. Et puis c'est toujours, on en revient à tout à l'heure à la même chose, c'est-à-dire si tu t'es endetté sur 15 ans pour acheter une nouvelle machine, ouais, c'est compliqué de changer de pratique. Enfin, tu vois, alors c'est l'avantage de la conf, c'est que la Confédération paysanne, on n'est pas dans du label, on n'est pas dans quelque chose de systémique très contraignant. La démarche de l'agriculture paysanne, c'est une démarche, quoi. C'est-à-dire que, en fait, tu fais régulièrement des diagnostics d'agriculture paysanne pour savoir où tu en es sur ton chemin, quoi. Tu vois, en fait, t'es jamais vraiment arrivé. Mais ça, c'est un autre truc de la transition en agriculture. Ce qui compte, c'est le chemin, c'est pas la destination, en fait. Tu t'es jamais arrivé dans ton métier d'agriculteur, en fait, parce que tous les ans, ne serait-ce que parce que le climat peut évoluer, que d'un coup il se passe quelque chose, t'as un glissement de terrain, t'as un nouveau truc, on retrouve une variété. Enfin, tu vois, tu remets tous les ans ton métier à l'ouvrage, quoi. Donc c'est permanent la transformation. Et l'agriculture paysanne te permet d'essayer de voir suivant, c'est un pétale, c'est une fleur, l'agriculture paysanne, et donc tu as différents critères, tu vois, sur l'environnement, sur le social, sur l'autonomie, qui est une des choses essentielles, c'est l'autonomie d'une ferme, c'est vraiment qu'est-ce que je dépense pour produire, quoi. C'est-à-dire, c'est con, mais tu vois, par exemple, moi j'avais rencontré des gens qui faisaient du lait, ils produisaient du lait, et ils nourrissaient leurs vaches, comme beaucoup de producteurs laitiers, avec du maïs et du soja, quoi. Ce qui pose plein de problèmes. Enfin, je veux dire, le maïs, il faut le produire et ça demande de l'eau à des moments où il pleut pas en France. Le soja, ça vient du Brésil, c'est souvent du soja OGM. Enfin, donc ça pose vraiment de grosses questions, quoi. Et tout ça, donc il s'agrandissait, puis il voyait bien qu'en fait c'était une fuite en avant. Donc à un moment, il a dit basta, la fuite en avant, ça sert à rien. Mais qu'est-ce que je fais, quoi? Tu vois, il avait plein de vaches qui nourrissaient comme ça. Qu'est-ce que je fais? Donc il dit, les vaches, quand même, le mieux, c'est l'herbe, hein, c'est quand même fait pour ça, hein, voilà. Ouais, mais moi, la ferme que j'ai pas du tout assez d'espace pour le nombre de vaches que j'ai. J'ai beaucoup trop de vaches. Ah ben, ça tombe bien, en fait. Donc il a diminué son troupeau par deux, il l'a vendu, la moitié, donc. Cet argent-là, il a épongé ses dettes, et donc il est reparti sur un système herbager, quoi. Qui est un système très compliqué, hein. Faut réfléchir à quel moment tu mets tes pelouses, qu'est-ce que tu sèmes sur tes pelouses, pour qu'il y ait des choses qui travaillent le sol, des choses qui nourrissent le sol et qui, en même temps, soient bien pour les vaches. Enfin, tu vois, genre en Suisse, c'est des fous furieux de la prairie. Et donc, ils ont des techniques où ils mettent des mélanges à 12 plantes spéciales, tu vois, pour... Enfin, mais bon, c'est vraiment un savoir-faire de dingue, quoi, voilà. Et donc, c'est pareil, tu sors pas du maïs soja comme ça en disant, bon, voilà. Mais en tout cas, tu peux quand même... voilà, lui, il a fait une bascule quand même, à un moment. Il a fait une bascule, il a vendu la moitié de son troupeau, il a fait ça. Je sais pas pourquoi je suis arrivé à parler de ça. Je voulais juste dire un truc sur la map, parce qu'il y a un truc qui est rigolo dans la map, c'est que ça, enfin, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que tu mets en place quelque chose d'alternatif, et en même temps, tu te rends compte que les ressorts qui sont en nous, culturellement, ne sont vraiment pas du tout alternatifs. C'est-à-dire, nous, on est tout le temps obligé de faire de la pédagogie pour les gens qui viennent chercher leur panier, pour leur dire, quand il y a marqué 1 kg de patates, c'est pas 1,50 kg de patates. C'est pas 1,1 kg de patates, c'est 1 kg de patates. Parce que si tout le monde fait 1,1 kg de patates, eh ben, au bout de 11 personnes, il manque 1 kg de patates. Donc, on est ensemble, hein, on doit se partager les patates qu'on nous a livrées, et donc, fais plutôt 980, 990, plutôt que essayer d'un kilo pile, tu vois. Mais ça fait 3 ans qu'on est en AVAP et on continue à le dire aux gens, tu vois. Et c'est pareil, moi je vois des gens, quand ils viennent chercher leurs oignons, ils choisissent, tu vois. Ben non mec, enfin, tu vois bien que là si tu te mets à choisir, les deux derniers qui viennent chercher leur panier, ils ont les oignons les plus pourris. Donc ça c'est pas possible. Donc tu prends tes oignons, tac tac tac, t'arrives à tes 800 grammes et tu t'en vas, ouais bon, t'as chopé un peu plus de peau que d'habitude, et ben c'est pas grave, enfin tu vois voilà. Et tout ça c'est vraiment, les gens continuent à avoir l'habitude primeur, alors qu'on t'es dans un cadre collectif qui fait que ben non, tu peux pas faire ton difficile comme chez le primeur, tu vois. Si t'as des carottes biscornues, ben ouais, t'as des carottes biscornues quoi, tu vois, voilà. Donc ça c'est rigolo de voir au fur et à mesure que t'es obligé de dire ah ouais non mais en fait on a changé de système d'approvisionnement, mais il faut changer d'autres choses aussi quoi en même temps quoi. Tu vois, il y a du taf aussi dedans quoi. D'autres questions? Moi j'en avais une de question, c'était donc ce dont tu parles, c'est la permaculture, si j'ai bien compris, plus ou moins, non? Pas forcément, d'accord. Mais par rapport à la permaculture, tu connais un petit peu la question? Moi je voulais, enfin, j'en ai entendu parler pour la première fois il y a un an par un pote, et je pense que le public n'est pas très au courant de ça, notamment au niveau de l'état d'esprit que ça implique. Depuis quand ça existe un petit peu, depuis quand ça commence à se diffuser dans le monde agricole, etc. Alors diffuser dans le monde agricole, je pense pratiquement pas, quoi. Non, moi je parle pas du tout de permaculture, là. Moi je parle vraiment de. Je parle de sortie du ce qui fait encore convention, quoi. Je pense de moins en moins, mais on va dire l'agriculture industrielle, quoi, parce que c'est pour moi la meilleure catégorie, enfin qualificatif de cette agriculture, c'est qu'elle est industrielle. On veut des produits, on veut faire des boulons de dose, quoi. C'est des boulons de dose qu'on veut, quoi. À part que tu fais des tomates et non, la tomate c'est pas un boulon de dose, quoi. Des fois elle est comme ça, des fois elle est comme ci, et donc ça ne marche pas, quoi. Bon. Donc moi je parle surtout de sortie de l'industriel. Après où on va? Je le sais pas, les agriculteurs le savent pas forcément, et il y a 1000 chemins possibles, et il y a plein de gens qui font des techniques super intéressantes et qui continuent de temps en temps à avoir recours à des herbicides, quoi. Et pour moi c'est pas voilà, c'est quelque part c'est pas grave, quoi. Enfin je suis pas dans le jugement de valeur. Moi je connais un mec là dans le près de Fontainebleau qui fait de la céréale en grande culture, et lui il ne laboure plus, par exemple. Donc ça, c'est, tu vois, ne plus labourer, c'est vraiment un changement très très fort, quoi. Et donc il réfléchit, s'il ne doit pas labourer et qu'il doit juste travailler la surface de son sol, comment il fait, quoi. Et donc en fait, il fait des mélanges de plantes aussi. Quand tu vas chez lui en hiver, c'est génial parce que à côté, tous les mecs à côté sont en industriel. Et donc tu as des champs qui sont nus, avec des grosses mottes de terre ultra denses, avec des flaques d'eau, parce que la terre, elle est tellement tassée par les passages de tracteurs qui sont très lourds, que l'eau ne n'arrive pas à s'infiltrer dedans. Donc tu ne remplis pas les nappes phréatiques, et donc après l'été les mecs vont dire ouais, on n'a pas d'eau. Ben oui, mais forcément l'eau de pluie tu la bois pas, donc enfin voilà. Et donc lui, tu as une route, tu as d'un côté t'as les champs nus avec des flaques d'eau, et lui chez c'est pas la forêt vierge, mais c'est vert, parce que l'hiver il fait plein de cultures. Donc il va réfléchir, il va mettre des radis, parce que les radis ça a des très très longues racines, donc ça va bien creuser le sol. Il va mettre de la moutarde, parce que la moutarde, je sais plus qu'est-ce que ça fait. Il va mettre, enfin voilà, il a un mélange de 6 trucs qui font que ça nourrit son sol, que ça l'aère, et voilà, quoi, bon. Mais lui, de temps en temps, il a un problème qu'il n'arrive pas à résoudre. Et donc, il y a des fois, il utilise de l'herbicide. Il a aussi des problèmes avec les taupes, parce que, en fait, les taupes, elles se font attaquer par les rapaces, et comme il n'y a plus de haies et plus de forêt, ben, en fait, il n'y a plus de rapaces. Donc, il y a des fois, tu vois, c'est vraiment compliqué, quoi, bon. Mais donc moi la permaculture, je dis pas que c'est un objectif en soi et tout ça, c'est un des chemins qu'on peut emprunter, mais il y en a plein. Alors c'est vrai que c'est un chemin un peu particulier, parce que souvent on parle de permaculture et on pense qu'on le lie à l'agriculture. Mais je pense que la permaculture, de ce que j'en sais, c'est beaucoup plus global que l'agriculture, et l'agriculture est une petite partie de la permaculture. Mais en tant dans la permaculture, c'est cette question d'observation, c'est-à-dire d'arrêter d'essayer de contrôler le vivant. Là, on essaie toujours de contrôler les choses, de contrôler le vivant, et donc on va même contrôler et essayer de modifier l'ADN des choses. Enfin voilà, ce contrôle-là, il va jusque-là. Alors que la permaculture dit, moi, je vais observer. Mais l'idée n'est pas de laisser faire, parce que si tu veux faire une production agricole, il faut faire plus que laisser faire. Parce que si tu laisses faire, la nature est faite pour se reproduire, pas forcément pour nourrir une grosse population. Donc il faut observer pour s'inspirer du vivant, pour savoir qu'est-ce qu'on fait pour tirer les meilleures parties des processus naturels. Et donc c'est vrai qu'on va créer, on va réfléchir aux interactions énormément. C'est-à-dire, on va mettre, je sais des exemples à la con, mais c'est, tu mets des pieds de basilic, tu mets du basilic au pied des tomates, le basilic envoie une odeur forte qui écarte un des insectes qui vient attaquer les pieds de tomates. Voilà. Il manque plus que la mozza, et après, t'es bon dans ton champ, t'es tranquille, quoi. Voilà. Mais il y a ça, quoi. Il y a vraiment ce truc de s'inspirer des processus naturels. Alors, depuis combien de temps ça, truc ça, j'en sais rien. Je sais qu'il y a un auteur, Fukuoka, qui est un auteur japonais, le brin de paille, je sais plus quoi, j'ai oublié, qui lui, voilà, c'est un mec qui a fait de l'agronomie en plus, donc il y a un mec qui a vraiment allé dans la science, dans le contrôle, dans la compréhension du vivant, et qui, un matin de cuite, s'est dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je fais n'importe quoi, voilà. Et donc lui, c'est un mec qui, par exemple, sur le riz, a mis des trucs en place très rigolos, parce que, donc il mettait des canards dans ses rizières, parce que les canards, remue la vase avec leurs pattes et donc ça empêche que les œufs de je sais plus quel nuisible se développent et donc ça fait qu'il avait plus besoin de traiter son champ et voilà quoi. Donc ça c'est pareil, c'est un mec qui est parti dans sa démarche, qu'il a expérimenté, c'est toujours beaucoup d'expérimentation. Et puis après les gens sont venus voir parce qu'en fait le mec avait des rendements de ouf et donc d'un coup les gens se disaient bon mais attends comment tu fais quoi, qu'est-ce que t'as un microclimat, t'as tout ça, parce qu'il y a toujours le monde scientifique est très circonspect quand ça marche bien quoi. Moi j'étais allé rencontrer un vieux monsieur maintenant qui s'appelle André Pochon et qui a mis en place la méthode Pochon sur les prairies pour les vaches. Donc lui il met du trèfle blanc. Donc le trèfle blanc c'est une plante qui pousse très bien et qui est donc comme je le disais tout à l'heure, donc c'est une légumineuse, c'est-à-dire que ça va nourrir le sol. Ça va capter l'azote de l'air et le remettre dans le sol, et donc ça va aider à faire pousser le gazon, quoi. Voilà. Et donc lui, il fait ça, quoi. Et donc au lieu d'acheter du maïs, d'acheter du soja, d'acheter des produits chimiques pour le maïs, d'avoir une grosse machine, de payer le gasoil, tout ça, c'est des coûts qu'il enlève. Et il regarde ses vaches brouter et chier sur son herbe et donc nourrir son herbe. Et il me dit donc, c'est travailler moins pour gagner plus. Alors, je lui dis putain, pas mal ton truc. Et je lui fais, pourquoi tout le monde ne fait pas comme toi alors? Parce que ça m'a l'air tellement évident ton truc là que pourquoi tout le monde ne fait pas comme toi? Et il dit, bah, c'est que les gens n'y croient pas. Mais le monde scientifique n'y croit pas. C'est-à-dire que l'INRA, pendant 15 ans, n'a pas validé sa méthode. C'est-à-dire penser qu'il truquait ses chiffres au début. Après, il pensait qu'il avait un microclimat particulier sur sa zone. Et ils ont fini par venir passer 5 ans sur sa ferme avec lui régulièrement pour vérifier ses comptes, pour voir, pour mesurer les niveaux de lait, les taux de matière de gras dans le lait. Enfin voilà, pour être sûr, quoi. Donc, bon, voilà, il faut expérimenter, et puis montrer que, par l'exemple, que ça marche différemment, quoi. Voilà. Moi, je voudrais revenir sur une question que tu as passée avant, c'est-à-dire la distribution, parce qu'on parle souvent des producteurs, on parle des consommateurs qui doivent changer leurs habitudes, et les distributeurs sont des anciens de la grande distribution, nous mettent des marges de 70% en disant les bio, c'est des bobos, ils ont les moyens, on est surtaxé. Tu payes une patate à un prix, mais délirant, alors que tu sais qu'ils font des marges monumentales, en fait. Et si tu as un produit qui plaît beaucoup, tu vois le prix augmenter de 30% en 3 mois, par exemple, ce qui est tout à fait délirant. Et ils te disent, mais nous avons des problèmes de distribution, c'est-à-dire que les lots, le produit change de prix couramment, c'est la bourse, etc. Enfin, ils nous barbouillent. Mais on n'a pas pensé à la distribution, à part la MAP, qui n'est pas efficace, parce que moi, ça fait plus de 5 ans que j'essaye de trouver une ABAP pour m'inscrire, il n'y en a pas. Ou quand j'arrive à la nappe, quand je regarde les produits de la MAP qui distribue à côté, les légumes sont pratiquement morts, ils ont passé 3 heures au soleil, je ne peux pas acheter ça. Autrement, j'ai mon marché Raspail avec des produits Déméter qui sont absolument fabuleux, mais que je vais payer au moins 30% plus cher que dans ma biocoop. Donc, quelle est la solution en fait? Est-ce qu'il s'agit d'une prise de pouvoir du consommateur et du fournisseur en disant, bon, écoutez, on va essayer de faire quelque chose, peut-être ensemble, plutôt que de laisser la grande distribution tout dominer, en fait. La MAP ne fonctionne pas. enfin elle fonctionne, mais c'est localisé en fait, c'est très petit pour l'instant. Ça couvre à peine 20% des demandes. Tout le reste est couvert par l'importation. En France, nous n'avons pas de bio. 40% de la bio vient de l'extérieur, produite par l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, qui ont des esclaves pour faire la bio. Pour ça qu'elle est moins chère. Non, mais c'est sûr que la distribution, c'est essentiel pour les grandes villes, quoi. Je pense que quand t'es pas en grande ville, la question n'est pas la même. Après, moi, j'ai vu à Lyon un truc qui s'appelle la Super Halle, et qui est un magasin de producteurs vraiment très important. C'est-à-dire, leur slogan, c'est la Super Halle, c'est un supermarché en super mieux. Et c'est un endroit où t'as 50 producteurs qui viennent de 80 km autour de Lyon. Donc, tu as en même temps un magasin de producteurs où ils sont obligés de faire une demi-journée par semaine. Tu as une épicerie qui, pareil, se fournit à 80 km autour de Lyon. Et tu as un lieu de restauration. Et donc, bien sûr, le lieu de restauration cuisine avec les trucs de l'épicerie et des producteurs. C'est dans un endroit où les gens bossent. Donc, ils viennent bouffer le midi et ils peuvent aussi faire leurs courses. Il y a beaucoup de vrac, ce qui permet de réduire les coûts. Donc, voilà, ça, c'est un système de distribution. J'ai envie de dire à grande échelle, enfin, c'est vraiment un truc imposant en volume, qui est une alternative clairement crédible à ce qui se passe dans les supermarchés. Le problème, c'est la force d'essaimage, comment on va répliquer les choses, comment on change d'échelle. Enfin, c'est toutes ces questions-là, c'est comment toutes ces choses qui marchent aujourd'hui dans plein d'endroits, comment on fait un truc plus gros, quoi. Voilà. Et toujours en gardant à l'esprit qu'il y a un risque du plus gros. Voilà. Que le plus gros, c'est pas juste la multiplicité des choses, quoi. C'est-à-dire, si je fais une tour de 100 mètres, c'est pas 10 tours de 10 mètres les unes sur les autres. Si je fais ça, ça se casse la gueule. Donc il faut réfléchir à ce que c'est. Et potentiellement même, le verre est dans le fruit. C'est-à-dire que faire gros, c'est poser des problèmes qu'on ne pourra pas résoudre d'une manière alternative, ou en tout cas dans le sens qu'on veut nous. Voilà. Donc je pense qu'il faut, il faut multiplier les solutions. Il faut les recopier. Il ne faut pas que la super halle de Doulin, c'est le quartier de Lyon, il commence à faire une super halle à Brest. Il faut juste qu'il explique à Brest, s'il y a des mecs qui veulent faire la même chose, quelle est la structure juridique qu'il a mise en place, comment il bosse, comment il a contacté ses fournisseurs, quelle gouvernance il a mise en place, parce que c'est comme toujours, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir à tout. C'est-à-dire que si on est alternatif dans la distribution, il faut aussi qu'on soit alternatif dans la gouvernance. Voilà. Et donc, voilà, c'est toujours réfléchir à ces choses-là. Mais les gens, donc ça, c'est le GRAP qui a mis ça en place. C'est le groupement régional d'alimentation de proximité. C'est vraiment des mecs géniaux, des mecs et des nanas géniaux à Lyon et qui font plein de trucs, quoi. Et eux, pareil, eux, ils se sont posé la question de comment on fait de la distribution du dernier kilomètre. C'est-à-dire, moi, je suis restaurateur, je veux des produits de qualité. Mon producteur, c'est compliqué pour lui de venir à Lyon. Donc, est-ce qu'on n'arrive pas à se débrouiller pour qu'il y ait 5 producteurs qui viennent à un truc, et ce truc-là, il y a 10 restaurateurs qui viennent. Mais pareil, on commence à mettre un intermédiaire. Donc, il ne faut pas recréer à chaque fois les usines à gaz dans lesquelles on est tombé, tu vois. Donc, il faut savoir trouver le juste milieu entre, faire des économies d'échelle, en tout cas regrouper et permettre que les solutions se diffusent, sans rentrer dans un truc maus qui fait qu'on va refaire comme avant, quoi. Voilà. Tu vois, c'est fin, à mon avis. Hein. La ligne de crête est fine. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? Oui. Attends, je me rapproche. Ouais. En fait, tout à l'heure, plus tôt dans la discussion, je t'ai entendu parler des arbres et de la... et du bénéfice que pouvaient apporter les arbres dans l'agriculture. Et je voulais savoir, parce que je me suis souvent promené dans les champs d'agriculture et tout, et j'ai rarement, très rarement vu des arbres en fait dans les agricultures, et je voulais savoir pourquoi c'était pas plus développé en fait dans les champs les arbres, vu que c'est une possibilité c'est une possibilité certaine en fait dans le développement et dans la régénération de l'agriculture. Voilà, je voulais savoir. Je voulais juste savoir, un agriculteur, s'il veut passer au bio, il est, avant, il est dans une agriculture, agriculture industrielle. Il est en train de payer ses machines, il est en train d'essayer de les rembourser. S'il a, il a pas fini de les rembourser, comment il peut racheter des nouvelles machines, sachant qu'en plus, les primes pour le bio, elles baissent chaque année. Je sais qu'il y a des subventions de l'État. Et je parlais avec un agriculteur, il me disait, mais maintenant, il y a 4 ans, c'était presque intéressant. Et maintenant, ça l'est beaucoup moins parce qu'il y a beaucoup moins de subventions de l'État. Donc comment séduire les agriculteurs à effectuer cette transition, pouvoir... acheter des nouvelles machines sans s'endetter, parce qu'il y a des familles derrière, il y a des gens à nourrir, c'est pas facile. Alors donc mettre des arbres dans les champs, c'est souvent ce qu'on appelle agroforesterie. Donc effectivement, c'est, il y en a pas beaucoup, hein, pour une raison assez simple, et qui est la raison pour laquelle on a enlevé les arbres. En fait, c'est que l'arbre fait chier le tracteur. C'est-à-dire que l'arbre, il a des grosses racines. Si tu passes avec un truc qui est là pour faire des trous, tu vas la défoncer. Tu vas la défoncer s'il y a des racines d'arbre. Donc on a enlevé les arbres et les haies pour cette raison-là aussi. Les haies, ça délimitait les champs. Ce qui est bien quand tu as un tracteur, c'est d'avoir le mieux, c'est d'avoir un champ de la largeur de ton tracteur qui fait 250 km de long. Bon, ça n'existe pas dans la nature, mais là, ça, c'est le but du jeu, quoi, quelque part. Mais qui est... quelque part qui a été une conséquence, si on fait un peu d'histoire, du plan Marshall. En fait, le plan Marshall, les Américains nous donnent des tracteurs, et en fait les tracteurs ne sont pas du tout adaptés aux fermes françaises, et donc on va adapter la ferme aux tracteurs. Voilà. Et donc on va faire des grands champs, on va enlever les arbres, on va enlever les haies, et on va pouvoir optimiser l'utilisation du tracteur. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu veux remettre des arbres, c'est compliqué, mais c'est jouable parce qu'en fait tu vas réfléchir à l'écartement de tes trucs et tu vas mettre une rangée d'arbres très rectiligne entre tes deux trucs de blé. Donc c'est jouable en fait. Et oui, c'est plus productif parce que justement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'arbre va chercher des éléments nutritifs dans le sol que les plantes ne peuvent pas aller chercher. Il va couper le vent aussi, ce qui est vachement important pour les céréales. Il va faire de l'humidité. Enfin voilà, il y a plein de, ça va nicher des insectes. L'idée est qu'il y a une compétition entre les insectes pour qu'il n'y en ait pas un qui prenne le pas. Enfin voilà. Donc, mais il y a plein de gens qui bossent là-dessus, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas encore un truc que tu vois dans tous les champs. Après, ce que tu disais, donc sur l'emprisonnement dans lequel se trouve un agriculteur aujourd'hui. Mais c'est pour ça que moi j'attends aussi une réponse politique à ça. C'est parce que on peut pas juste dire aux gars, ah putain, vous nous faites chier, changer quoi. Ça, c'est trop simple. Voilà. Le mec, s'il a fait des investissements, s'il ne sait faire que du maïs parce que ça fait 30 ans qu'il fait du maïs, tu peux pas juste lui dire, vas-y, passe en bio, casse pas des couilles quoi. Tu vois, ça ne marche pas quoi. Voilà. Donc il faut les soutenir, il faut les aider, il faut que les structures syndicales les encadrent. Mais c'est aussi pour ça que si une restauration collective dit, si tu passes en bio, moi je t'achète ta production. Même si t'as pas la certification, là déjà le mec il se dit, ok, j'ai une sécurité, je sais que je vais pouvoir vendre ma production. Donc là déjà, ça m'enlève un poids, peut-être que je vais me lancer là-dedans. Tu vois? Donc oui, c'est sûr qu'il faut les accompagner, quoi. Il faut qu'il y ait une politique de transition, quoi. C'est essentiel, quoi. On peut pas juste laisser faire le marché ou laisser faire les choses, quoi. Ça... En province, non, je t'entends pas complètement là. Mais en province, il y a très peu de restaurants qui peuvent acheter. Enfin, il y a de moins en moins de restaurants, de commerces qui peuvent acheter les productions des agriculteurs. Enfin, à part si on est près d'une grande ville, je veux dire, à la campagne, il y a de moins en moins de restaurants ou de clients potentiels pour ces agriculteurs. Enfin, la restauration collective, c'est ou sinon, il va falloir que la production, elle fasse des kilomètres pour aller vendre ses trucs dans une autre ville. Pour moi, la restauration collective, c'est plusieurs choses. C'est les restaurations d'entreprise. Donc ça, il y en a quand même pas mal. C'est les restaurations, c'est les cantines. Donc ça, il y en a quand même beaucoup. Mais c'est aussi les restos collectifs des administrations. Enfin, tu vois, des gens qui prennent des repas tous les midis au même endroit, ça, tu continues à en avoir, quoi. Donc, c'est pour ça que là, tu as une commande régulière et puis l'acheteur, c'est la mairie par exemple. Donc si tu, enfin voilà, si tu signes un contrat sur 5 ans avec ta mairie, il te dit je te prends ta production, tout ça. Enfin tu vois, c'est une sécurité qui est quand même vraiment très très importante quoi. Donc c'est quand même un levier, enfin de transformation. Il y a une histoire comme ça. Alors j'ai oublié où c'est. Je crois que c'est Los Angeles, mais peut-être je dis des bêtises, dans le Nord, je crois en Picardie, où le mairie avait un problème d'eau, de qualité d'eau. L'eau était plus potable. Mais donc ils regardent ce que c'est. Ils voient que c'est des produits chimiques qui viennent de l'agriculture. Il y a une solution qui est toute trouvée, c'est une usine de traitement de l'eau, mais qui coûte un bras, quoi. Il dit, bon, ça c'est trop cher pour ma commune. Et donc il se dit, bah, je vais quand même aller voir les gars qui font ça, en fait. Donc il va les voir, et les mecs leur disent, non mais moi je peux pas, j'ai des contraintes, je viens d'acheter une machine, tout ça, ok. Est-ce que si je signe un contrat avec toi sur 5 ans où je t'achète ta production pour la resto collective, est-ce que t'es prêt à faire un effort pour baisser les produits chimiques que tu mets, réfléchir, te rentrer dans une démarche, voilà. Le mec a dit oui, après il est allé voir la resto collective, mais les mecs ils cuisinaient plus eux. C'est-à-dire qu'ils recevaient des sacs de carottes surgelées découpées, les mecs ils ouvraient des sacs. Et donc il leur dit, bon bah est-ce que vous êtes prêts à recuisiner? Et les mecs disent, bah bien sûr, moi j'attends que ça, mais par contre là faudrait me reformer. Donc ils reforment les gens retrouvent du goût à leur travail. Après il a bossé avec les parents d'élèves, les élèves, le personnel des établissements pour savoir comment on faisait des menus. Donc il y a un menu par semaine qui est fait par les enfants, patati patata, enfin bon, il a mis tout le truc en place. Et ça lui coûte moins cher de faire tout ça, de faire des formations, de remettre les cuisines aux normes, de faire tout ça, que de payer son usine. Donc si tu veux, il peut être juste dans un calcul bête et méchant, un côté ça me coûte ça, l'autre côté ça me coûte ça. La deuxième solution, elle est moins chère et en plus elle est vertueuse. Donc voilà, c'est, tu vois, il y a pas une manière de faire la transition en agriculture. Ça se saurait, quoi. Il y en a 2550 milliards. Et il faut les connaître, il faut les partager, il faut que les gens se rencontrent, il faut que l'association des maires de France fasse un colloque annuel sur qui a fait quoi pour la resto collective. Saint-Étienne, ils sont, je veux pas dire de bêtises, ils sont passés à bio local en 5 ans. Saint-Étienne, tu vois, c'est pas une petite ville, quoi. Tu vois, c'est quand même assez important. Mais c'est parce qu'ils se sont mis des objectifs à terme. Tu vois, ils se sont dit, en 5 ans, on veut aller là. Et on fait des objectifs annuels, on signe des contrats, on accompagne les gens, et voilà, quoi. À moins qu'il y ait une dernière question, on va conclure. Est-ce que tu considères que c'est une conclusion ou est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je pense que l'alimentation, c'est vraiment récupérer notre souveraineté sur les questions alimentaires, c'est récupérer vraiment notre émancipation. Enfin, je pense que c'est un truc de base. Si beaucoup de gens travaillent, c'est parce qu'ils doivent s'acheter à manger. Donc, voilà, récupérer des solutions de production, de distribution intelligentes, pas chères et que tout le monde y ait accès. C'est vraiment une base d'émancipation très très forte, je pense. Merci.